cette étrange contrée du petit peuple des monstres. Et je crois avoir foulé une tourmentine. Évocation claire, obscure, arc-en-ciel des lichens, cristal de chlorophylle. Alors, balayant sa poche estomac au milieu des tubercules et me fixant de ses quatre gros yeux, la touffe verdâtre émit des cesses flûtées afin de mieux m'égarer. Une parisette vint me chatouiller à l'aide d'une cape en aile de papillon, frôlant ses longs cheveux d'herbe contre mes lèvres. La puck, aux pieds en saboté, escalada mes voiles et me guida par ses risettes ensorcelées vers ces cavernes d'art merveilleusement ouvragées et ciselées en cité circulaire par les anciens hobgobelins de pierre. Puis, la puck m'abandonna à mon sort, dansant vers la mélopée des ondines. Pourvu que la vouivre ne soit pas dans les parages. Arrivé à la rivière, j'espérais l'aide de quelques lutins lacustres. Hélas, j'aperçus Louis Courtois avec sa bouche en forme de cœur et son mascara impeccable. Oh my god! Louis Courtois est un noyeur. Fort heureusement, un éclaboussement turquoise vint rafraîchir soudainement mon esprit échauffé. Toute trempée, j'aperçus la mince arête dorsale du housier. Il rigolait encore de sa farce aquatique, mais me désigna de sa main palmée une barque saphir. Sur l'onde, des feux d'artifice follets éclairaient de curieuses bâtisses. Je ramais jusqu'à ces maisons champignons. Quelle splendeur que cette Venise des lutins et autres elfes! Oh, île bienheureux premier-né! À tour de rôle, à mouvement de magie, ils s'évertuèrent à enivrer mon âme. Alors se posa une dame, une fée aurifère, qui distilla ce trop-plein de sortilèges. Elle ferma mes yeux de quatre baisers sauvages et parfumés, puis mis au creux de mes doigts une boule herbue. La tourmentine à nouveau. La fée, quant à elle, me salua d'un battement d'ailes sidérales, et je m'endormis sous une pluie de pétales et de paillettes, égarée en féerie.